Paradis perdu, par Jean Richepin. Edgar Poe appelait la croyance au progrès une extase de gobe-mouche. Mon ami le déclamateur y voit une abominable religion qu'il hait mortellement. Il soutient que ce culte nouveau a ses dogmes, ses mystères, ses apôtres, ses martyrs. Et comme mon ami le déclamateur a l'athéisme féroce, il faut l'entendre déblatérer contre le dernier évangile. Quand je m'amuse à le contredire là-dessus, c'est une explosion de fureur. « Mais regarde donc autour de toi » s'écrie-t-il. « Mais tu es donc aveugle ?»« Mais non, ce n'est pas des fantômes que je m'attaque, ni sur des moulins à vent que je charge. Je constate des faits, rien de plus. Des faits hideux, oui, cette religion a ses mystères. Lesquels ? La biologie, la sociologie et notamment toutes les sciences. Et ses apôtres donc ? À remuer à la pelle, philosophes, journalistes, tribuns, prophètes, jusqu'à ces poètes qui bâtissent les joies du XXe siècle. Pardon, la poésie vit de fiction et ainsi, ouais, mais les martyrs en meurent. Et elle en compte par milliers, la foi nouvelle. Et le vrai martyr, tu sais, j'entends des gens qui se font tuer sans comprendre juste pourquoi. Des gens épris d'un idéal situé à l'infini, comme disent les mathématiciens. Des gens qui sacrifient tout bonheur actuel au vain mirage d'un bonheur inaccessible. Des gens qui rabâchent à leur façon l'antique credo quia absurdum. Pas si absurdum, voyons, tu ne saurais nier que la science a réellement fait des conquêtes et qu'il est permis d'espérer. Taratata ! Les voilà tous bien les mêmes. Conquête de la science, espoir sans limite, après la vapeur, l'électricité, la direction des ballons, n'est-ce pas ? Et la toute-puissante chimie ? Et l'organisme social transformable de fond en comble, et ceci et cela. Mais c'est bien ce que je te dis, mordieu, c'est une religion, une vraie religion. Pourtant, il me semble, rien du tout, c'est une religion, je ne sors pas de là. Et la preuve, c'est que vous avez votre paradis, entends-tu? Le christianisme plaçait le sien dans un autre monde. Vous imaginez le vôtre en celui-ci. Les anciens mettaient l'âge d'or à l'origine. Vous le voyez à la fin? Tout ça se vaut, et tout ça vaut un pet de lapin, du lapin que vous vous posez à vous-même. Ah, la blague des paradis! Mais le vôtre est encore plus bête que tout ce rêvé jusqu'à présent, et plus triste, surtout. Ils sont propres, vos paradis futurs. Moi, rien que ça suffira à me dégoûter de votre religion nouvelle, pouah! Et gesticulant avec violence, clamant comme un affolé, mon énergumène me traça en raccourci un tableau de ce temps fameux XXe ou XXe siècle, après quoi nos rêves en délire tirent la langue, disait-il, ainsi qu'une meute de chiens en chaleur. Plus de barrières, plus de frontières, plus de lois restrictives, plus d'entraves matérielles, intellectuelles, ni morales. Les hommes sont frères, et frères dans la royauté absolue, enfin conquise de la nature. Toutes les aspirations, tous les désirs, ont été soigneusement analysés et canalisés. Aucun effort n'est désormais perdu. Les moindres mouvements concourent à la marche générale. Il ne reste rien d'inexploré, rien de vague, rien d'inutile. Les anciens mauvais instincts sont devenus eux-mêmes des moteurs servant à quelque bien. On a employé leur énergie en les détournant de leur but d'autrefois. Tout se fait par poids et par mesure, à la règle et au compas. Il n'y a plus place pour le plus petit imprévu, pour le plus furtif hasard. Mécaniquement et mathématiquement, sans peine ni risque, l'humanité pratique la théorie de l'humanité parfaite. Au physique, les sciences ont achevé de dompter la matière et l'applient à tous nos besoins, voire à tous nos caprices, si bien que non seulement l'esclavage, mais le prolétariat lui-même, sont définitivement vaincus. Les éléments domestiqués sont à notre service. Il suffit de toucher les boutons, pour qu'entre eux se produisent toutes les combinaisons imaginables. On extrait la quintessence des choses, on en fait à volonté l'analyse et la synthèse. Bref, les antiques nécessités du mal et du travail sont abolies pour toujours. L'homme s'occupe uniquement de jouir en paix. Il tient enfin la béatitude absolue. Et pareil au vieux dieu des Bibles mortes, il n'a plus qu'à se reposer dans l'admiration de soi-même, connaissant tout, possédant tout, ne désirant plus rien. C'est bien le paradis, c'est plus encore l'apothéose. Hé hé, dis-je à mon ami, il me semble qu'il n'y a pas là de quoi t'en faire le dégoûter. Tu imagines un âge d'or que les plus dévots au progrès osent à peine concevoir. Et ma foi, si je le croyais possible ou seulement probable, je t'avoue humblement et grossièrement que j'en ferais volontiers mes choux gras. Misérable ! S'écria-t-il, triple idiot ! Comment ? Toi aussi, poète, tu trouves beau cet idéal de perfection. Comment ? Cela ne te soulève pas le cœur ? Si on t'offrait là, tout de suite, ta place en cet Éden, tu accepterais. Oh, le pauvre amant de sa joie, l'imbécile gourmet de son bonheur. Oh, le stupide, l'ingrat, qui ne se rappelle pas les ineffables plaisirs éprouvés en mangeant quand on vient d'avoir faim, en buvant quand on crève de soif, en faisant le mal avec l'idée du remords, en cherchant le vrai parmi les mensonges, en trouvant le beau sous un tas de laideurs. Oh, le jouisseur à courte vue, qui ne sait pas que la souffrance, le hasard, l'impuissance, le doute, l'angoisse sont les meilleurs et les seuls condiments de la volupté. C'est vrai tout de même, avouai-je à voix basse, oubliant de turlupiner mon ami. Si c'est vrai, répliqua-t-il, mais tu peux le crier que c'est vrai. C'est si vrai que cela seul suffit à prouver la non-existence de Dieu. Car à supposer qu'il existe, absolu, parfait, ainsi qu'on le conçoit, songe donc qu'il n'a plus un désir, et partant plus un plaisir, et qu'alors il a dû, depuis longtemps déjà, se faire sauter le caisson, par désespoir, ce pauvre diable de Dieu. Ainsi, galopant un bride avalé sur la chimère du paradoxe, dans les fumées de son athéisme, mon homme gesticulait de plus en plus, ricanait, hurlait, et la foule des badauds faisait la haie sur notre passage. Je jugeais prudent de nous soustraire à cette curiosité gênante, et je l'invitai à dîner pour nous dissimuler quelque part. « Où ça ? » s'exclama-t-il. « Chez Chose, n'est-ce pas ? » Il cita le nom d'un restaurant en vogue. « Oh non, par exemple, jamais de la vie. » « Encore un croyant en progrès, celui-là. Merci bien. » « Je ne veux pas prendre un avant-goût des joies culinaires qui délecteront les palais dans vos sacrés paradis futurs. Je ne te comprends pas. » « Alors c'est que tu manges comme les martyrs meurent, sans réfléchir. Il n'y a que des produits chimiques. » Chez ton fameux chose, et chez machin aussi, tu sais. Le vin y est fabriqué selon des formules. La viande y a été engraissée à la mécanique. Le bouillon y a des yeux artificiels. La cuisine y est un laboratoire. Nourriture de progrès, mon cher. Ambroisie et nectar des paradis futurs. Je ne communique pas avec ces saloperies-là, moi. Et il m'entraîna chez un mastroquet de sa connaissance, à la fois charbonnier et gargotier, où se repaissent des cochers, des maçons et des auverpins. Une soupe aux choux fumait sur la table, un gros vin moussait dans des brocs. « Là, me dit-il, mangeons et buvons maintenant, et dépêchons-nous. Ce brave homme a encore des choux en choux, et du lard en lard, et un picton qui vient directement de son pays. Mais qui sait si demain il ne se fera pas chimiste comme les autres ? La religion nouvelle mène un tel train de prosélytisme. » Et remplissant mon verre d'un rouge bord, il s'écria. En attendant les parfaits, parfaitement haïssables paradis futurs, mon vieux, buvons la santé du pauvre imparfait monde présent. De ce cher et délicieux monde, où il y a toujours de la peine, du mal, du hasard, des vices, des larmes, du rire, du désir, du rêve, et où l'on peut boire encore, par-ci par-là, une lampée de vin véritable, fait avec du raisin, de la sueur humaine et du soleil. C'était Paradis perdu, par Jean Richepin.